LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Allez, casse-toi. Je suis une salope. Tu dis ça à chaque fois. C'est pas parce que tu bandes pas que tu payes pas. Ordure. Tu vois, quand tu veux. Je n'ai qu'à faire ça et je vous fourre au trou les bougnoules. Ton frère, pour toutes les jolies choses qu'il apprend dehors de l'école. Et toi? Heureuse comme une arabe en France. Tu vois comme ça, toi? Ah, déjà, moi, je voulais pas d'une femelle, là. Je voulais un bonhomme. Avec une grosse paire de couilles, là. Ta cravate de pute. Ferme ta gueule. Maintenant, et t'enlèves ton bonnet. Ah, mais à la reine des putes, j'enlève le bonnet. C'est toi, la pute. T'enlèves ton bonnet. C'est bon? Je suis mignon comme ça? Eh, moi, je vous dis, hein, y a rien à faire là-dedans. Je suis victime d'une erreur judiciaire, c'est tout. Pardon, je comprends pas. Articule pour voir. Je suis victime d'une erreur judiciaire, madame. Maître. Quoi? Tu m'appelles maître. T'as cru que j'étais ton esclave ou quoi, toi? Autrement, tu reprends des airs depuis le début, toi, avec ton vieux brushing, la mesquina veut jouer ça française. Je suis française. Ouais, moi aussi, je suis français. Les ambitieuses. Un documentaire de Adila Belejaïdou, réalisé par Anne Pérez Franchini. Ce chapitre de mon histoire personnelle des femmes arabes de France commence très mal. Je suis obligée de parler d'un sujet dont je ne voulais pas parler. Émotion dans un collège de Creil dans le Val d'Oise, trois jeunes filles de confession musulmane sont temporairement renvoyées parce qu'elles portaient en classe le kémar, un foulard qui couvre le front et les cheveux. Selon moi, la première fonction du débat sur le voile, c'est de nous empêcher de réfléchir à autre chose. C'est comme si on passait notre temps à s'engueuler sur la couleur de la porte d'entrée alors qu'il y a toute la maison à refaire. Mais que je le veuille ou non, le voile fait partie de notre histoire et même si je raconte cette histoire selon mon cœur, je suis obligée de l'évoquer. La première fois qu'on entend parler du voile en France, c'est en 1989. Le principal d'un collège de Creil décide de renvoyer trois élèves qui portent un foulard. Saisi sur la question, le Conseil d'État déclare que le port de signes religieux par les élèves n'est pas incompatible avec le principe de laïcité. Ça n'empêche pas le pays de s'enflammer contre les femmes voilées. La cabale enfle et en 2004, une loi interdisant les signes religieux à l'école est votée. Le président Jacques Chirac l'avait annoncé le 17 décembre, le projet de loi interdisant le port. Donc cet après-midi, en première lecture, le projet de loi prohibant les signes religieux à l'école. En 2018, les adversaires du voile obtiennent même que la société Decathlon retire de la vente un hijab de sport. Quand une démocratie s'attaque au grand capital, ça peut être le signe qu'on marche vers la révolution ou qu'on est dans l'hystérie collective. J'ai choisi le titre « Heureuse comme une arabe en France » comme une question ouverte. Malheureusement, je crois que pour une femme musulmane, la réponse est non. Mais je ne peux pas en être sûre, car musulmane, je ne le suis pas. Ce que je sais, c'est que cette hystérie rejaillit sur moi de manière indirecte, car je suis immédiatement rejetée dans l'autre catégorie, antagoniste de la femme voilée, la beurette. Et oui, la beurette, c'est un peu comme la studette et la kitchenette. C'est une création des années 80, mais qui a connu un tel succès qu'elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Nassira Ghanif Souilamas, pourquoi vous avez décidé de faire une thèse sur les beurettes? Je ne suis pas sûre de l'avoir décidé. Toutes les expériences de terrain que je faisais, où je me suis surtout attardée à efforcer de rencontrer des garçons, des adolescents, dans le quartier où j'ai principalement commencé, amorcé en fait mon travail de thèse, où je me suis rendue au début des années 80 en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait une autre histoire qui se racontait, qu'elle était tout aussi importante, qu'elle n'était pas minorée d'une certaine manière. Il n'y avait pas une logique de l'exclusion ou de la marginalisation, non, c'était d'autres usages, d'autres enjeux, d'autres récits en fait qui traçaient leur territoire eux aussi, et c'était ceux de leurs sœurs, de leurs copines, de leurs grandes sœurs, petites sœurs, enfin. Elles se débattaient, en fait, entre une injonction de plus en plus forte de la société française, en fait, qui était en train de... Il y avait un discours de l'intégration qui montait en puissance, hein, qui était de plus en plus normatif, qui était devenu une catégorie d'action publique. et qui se traduisait dans tout un langage, en fait, par lequel elles étaient bombardées, quoi. Je veux dire, c'était permanent. Il fallait faire la preuve de l'intégration, s'intégrer c'est ci, s'intégrer c'est ça. Dans les années 80, c'était encore un peu en sourdine, mais dans les années 90, ça devient tonitruant. Et donc, elles étaient aux prises avec tout ça, quoi. Je veux dire, c'était martelé. Avec, d'ailleurs, très clairement, cette logique de la mise en concurrence qu'elles voyaient de plus en plus s'imposer à elles, où, en fait, elles devenaient les ennemies de leurs frères, quoi. C'est-à-dire, en fait, ils sont mis en concurrence, c'est à celui qui va gagner le concours de l'intégration. Et donc, clairement, les filles étaient présentées comme étant les plus susceptibles, les plus dotées, évidemment parce qu'elles étaient opprimées dans leur famille. Elle fut tout simplement face à face aux mauvais, mauvais, mauvais garçons. Ils refusent la vérité, mais les mauvais garçons s'élisent dans les cités. Ils refusent la vérité, mais les mauvais garçons. Je ne viens pas des quartiers. Je n'étais pas opprimée dans ma famille. Mais j'ai fait partie des candidates de ce fameux concours de l'intégration. Et on a été nombreuses à être ambitieuse, à répondre à l'appel. Est-ce que pour autant ça a été facile de nous faire une place dans le monde professionnel ? C'est ce que je suis allée demander à Marie Da Silva. Je suis très heureuse d'être ici pour... est-ce qu'on peut appeler ça une formation ? Je vais plutôt appeler ça un coaching d'empowerment. Je ne suis pas coach de vie, comme on aime bien m'appeler. Je coach les vies de personnes. Je suis coach stratégiste, c'est-à-dire que mon travail, en fait, c'est de dessiner, de designer, d'imaginer des stratégies de survie pour les personnes qui sont du mauvais côté de la race, pour les personnes qu'on appellera racisées. Quelle est mon ambition ici ? Alors, mon ambition ici, elle est simple, c'est que vous repartiez avec ce qu'on appelle, en fait, des astuces activables. Par exemple, je veux qu'au sortir de cette séance de coaching, que lundi vous trouviez enfin le courage de dire à Chantal de la Compta d'arrêter de mettre sa main dans vos cheveux, par exemple. Bien entendu, j'avais une foule de questions à poser à quelqu'un comme Marie Da Silva, et la première, c'était de savoir s'il existait une discrimination spécifique de la femme arabe. Sur les femmes arabes, ce que j'ai pu constater à travers les cas que j'ai accompagnés, c'est une expérience du sexisme très marquée par le contrôle des corps. Est-ce que vous êtes voilée ou pas ? Et on va vous dire comment vous libérer. En fait, j'ai un jour, je suis sur Twitter, en fait je travaille beaucoup avec Twitter, et je reçois un message privé d'une personne qui me dit « Je suis coincée dans le parking de mon entreprise. Je porte le voile en dehors de mon entreprise. » Et j'ai vu un collègue arriver, il m'a vu avec mon voile, j'ai pas eu le temps de l'enlever. Vu la tête de mon collègue, je pense qu'il va en parler à d'autres collègues, etc. Je lui dis, mais en fait, t'as rien fait. Rassure-moi, est-ce que t'as tué quelqu'un ? Elle me dit non. Je lui dis, ok, donc on va arrêter de se comporter comme si t'avais tué quelqu'un. Et puis en plus, le fait que tu portes le voile à l'extérieur de l'entreprise n'est pas une question qui appartient à l'entreprise. Et donc je lui ai dit, en fait, la seule manière que tu vas avoir de reprendre le pouvoir sur cette situation, effectivement, c'est d'assumer. C'est d'assumer. Parce que si tu te comportes comme une criminelle, on va te traiter comme une criminelle. Si tu te comportes comme si c'était un secret honteux, on va traiter le fait que tu sois musulmane comme un secret honteux. Et c'est pas ce qu'on veut. Et donc, du coup, rapidement, en fait, j'ai dû imaginer une espèce de scénario applicable tout de suite. Donc, je lui dis, est-ce que t'as pleuré ? Elle fait, évidemment. Je lui dis, est-ce que t'as du maquillage dans ton sac ? Tu te remaquilles tout de suite. Tu vas monter au bureau. Il est hors de question que tu ailles te terrer dans ton bureau. Tu vas aller à la machine à café. Tu vas trouver ton collègue. Et tu vas assumer. Elle monte à la machine à café. Et elle voit son collègue avec deux autres collègues. Et à leur regard, elle sait qu'ils savent. Elle marche directement vers son collègue, elle lui serre la main, elle lui dit « Tu m'as trouvé comment ?» Et c'était terminé. Le deuxième cas, c'était une femme qui se faisait traiter de beurette par l'un de ses collègues, et ce de manière extrêmement régulière, en toute souplesse, comme ça, etc. Il lui envoyait des mails « Ma beurette ». Non mais... C'est incroyable, franchement c'est incroyable ce que se permettent les gens. Et elle me dit, mais Marie, comment j'arrête cette personne ? J'ai envie de la tuer. Je lui dis, je sais, mais je propose que des solutions légales, je tiens à le dire. Et donc du coup, on a fait ce qu'on appelle un death note. Et en fait, pendant des semaines, on a enregistré déjà et on a recensé toutes les remarques sexistes et racistes de ce même collègue. Et on les a présentés à la DRH en lui demandant ce qu'on allait bien pouvoir faire de ça. Et bien sûr, le collègue... c'est pas évident dans la plupart des cas, mais sur ce cas précis, en tout cas, on a réussi à obtenir que le collègue soit blâmé. On a réussi à obtenir des excuses, etc. Et le recours à la loi, ça suffit pas ? Mon domaine, c'est l'entreprise. Quand on veut faire respecter ses droits, on va voir qui ? On va voir le directeur ou la directrice des ressources humaines qui travaille pour cette même entreprise et qui a envie de continuer à travailler pour cette même entreprise. Donc du coup, non, ça suffit pas. Je pense que on doit, en tout cas, stratégiser sa survie. Je ne vois pas, en fait, d'issue possible. Et parfois, on me dit, mais Marie, moi, j'en ai marre de faire des stratégies, etc. Je leur dis, ok, mais la vie sans stratégie, c'est encore pire, en fait. Moi, je dis aussi que on s'en rend pas compte, mais le fait que ce soit toujours à nous de s'adapter nous donne en fait une espèce d'insight sur la condition humaine que d'autres n'auront jamais. Dans tous les cas que j'ai traités, il y avait cette constante comme quoi le dominant n'avait pas conscience de lui-même. Nous, on s'adapte depuis le premier jour de notre vie, limite. Donc du coup, cette adaptation forcée, cette adaptation quotidienne en fait, c'est du savoir tactique et on s'en rend pas assez compte. En fait, si je comprends bien, vous êtes là pour aider les gens à rester dans un espace professionnel dans lequel ils subissent des agressions, mais sans entrer dans un conflit, c'est ça ? I wish, j'aimerais bien. En fait, ça se passe jamais sans heurts. Pourquoi ? Parce que le racisme, l'islamophobie, le sexisme sont avant tout des affaires de pouvoir. Et personne se lève le matin en se disant « je suis OK avec le fait que mon pouvoir me soit retiré ». Il ne faut jamais oublier que l'égalité, c'est aussi une perte de pouvoir pour ceux qui l'avaient avant. Donc du coup, nous, quand on s'organise, l'ennemi en face s'organise. Donc du coup, c'est jamais anodin, c'est jamais indolore, c'est jamais sans heurts. Il y a toujours un conflit parce que le dominant, quand la personne dominée se rebelle, c'est toute sa condition de dominant qui est remise en question et il va se battre pour conserver sa condition de dominant. C'est une condition si confortable. Le pouvoir, c'est de la coke. Est-ce que vous travaillez sur l'intériorisation de la norme ? Ah bah oui, oui. Et je pense qu'on on oublie aussi que le racisme, en fait, est un système immersif. C'est-à-dire que on a tous... été socialisé dans une société raciste, qu'on soit du bon côté ou du mauvais côté de la racialisation. Nous sommes tous racisés, les blancs aussi sont racisés, mais ils sont du bon côté de la racialisation, pas nous. Et donc du coup, bien sûr qu'on va intérioriser. On essaie quand même de s'adapter à cette norme jusqu'à ce que cette norme nous rejette totalement et entièrement. Sinon, on est conditionné à essayer de s'adapter en permanence. Parce qu'en fait, c'est pas facile d'être l'autre. On n'a pas envie d'être l'autre. On n'a pas envie d'être désigné comme l'autre. Donc, on va développer en fait des stratégies pour justement exister dans la norme. Mais la norme, en fait, c'est un monstre qui nous avale, qui nous recrache. Eh bien, je vais vous raconter la stratégie que j'ai déployée pour être dans la norme et comment j'ai dansé avec le monstre. Pour sortir de notre cité, le seul passeport honorable pour nos parents, c'est le mariage. Je n'ai pas toujours fait de la radio. Quand j'ai commencé à travailler, c'était pour la télévision. Quant à moi, je suis Aïcha, la fille aînée des Bouamaza. À l'époque, je lisais des scénarios pour des producteurs et petit à petit, je me suis mise à écrire sans être citée. J'étais ce qu'on appelle nègre. Demain soir avec Lisa, je m'échappe. Et puis un beau jour, la rencontre. On me propose de collaborer avec Yamina Benguigui sur un projet de série télé. Bonjour. Vous êtes bien Patrick Trubert, le frère de Dominique ? Oui. Je suis Aïcha. On était avec votre sœur en primaire. Lisa. Aïcha. Chacha. Pour moi, c'est un honneur de travailler pour celle qui a réalisé le chef-d'œuvre sur l'histoire de l'immigration maghrébine, Mémoire d'immigrés. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Et puis j'avais confiance. Elle saurait quoi dire sur les beurettes. En tous les cas, plus que moi, qui n'en connaissais qu'une de beurettes, moi-même. Oui, c'est ça. Maintenant, tu fais la française de la rue, Zalma. Hein ? Ouvre ! pour la première fois, on me propose un vrai contrat de scénariste, avec mon nom dessus. J'ai travaillé pendant plus de 2 ans sur cette série, et puis j'ai été virée. J'ai écrit d'autres choses et j'ai oublié l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père la dernière fois? Et voilà qu'en préparant ce documentaire radio, plusieurs intervenantes me parlent de la série Aïcha comme d'un chef-d'œuvre de propagande sexiste et raciste. La petite arabe dominée qui échappe à sa famille rétrograde en se mariant avec un blanc. Parce qu'évidemment, hors du mariage mixte, il n'y a pas de salut pour elle. J'adorerais vous dire que je me suis engueulée avec Yamina Benguigui pour des raisons politiques. J'aimerais aussi vous dire que je ne retrouve rien de mon travail dans le film. Mais ce serait faux. La vérité, c'est que je trouvais les personnages un brin caricaturaux, mais ça ne me posait pas de problème de servir la soupe intégrationniste. Et puis je faisais d'une pierre deux coups. J'étais du bon côté de la barrière des races, et j'avais un métier valorisant et bien payé. Ça, c'est de la colonisation. C'est quand l'indigène acculturé, celui qui est le plus proche de son maître, sert d'auxiliaire pour asservir les autres indigènes. Ça fait mal de le reconnaître, mais je crois que j'ai été un genre de collabo. Ce qui m'ennuie le plus dans tout ça, c'est que je pensais sincèrement que les jeunes filles nord-africaines des milieux populaires étaient enfermées dans la tradition, tandis que moi, j'étais dans la modernité. Nassira Guenif Souilamas. Quand j'ai commencé mes études, la tradition c'était l'anthropologie et la modernité c'était la sociologie. Tout en oubliant que la division elle est due au fait que l'ordre colonial s'est imposé. C'est-à-dire qu'on a fait de l'anthropologie dans les colonies et on a fait de la sociologie dans les métropoles coloniales, hein, et dans les métropoles impériales. Cette division entre tradition et modernité, elle était... pas seulement sous-jacente, mais elle était structurante dans ma formation intellectuelle et universitaire. Et elle était, comme par une projection, mais qui n'est pas un hasard, imposée aux migrants. Donc, parvenir à défaire, à démanteler, en fait, cette distinction modernité-tradition, en expliquant que, en fait, la tradition est réinventée dans le cadre de la colonisation à travers une logique de modernisation, et que la modernisation, c'est en fait la traduction littérale de la colonisation, ça permet de comprendre en quoi est-ce que toutes les populations qui viennent des anciennes colonies sont vouées à subir un mauvais procès. Et d'autre part, ça desserrait l'étau dans lequel les filles avec lesquelles je faisais les entretiens, et puis ensuite la façon dont j'allais lire ces entretiens, pouvaient se faire. Il y avait enfin une possibilité de sortir du clivage classique, de ce binarisme infernal entre tradition-modernité, liberté-oppression, aliénation-émancipation, et où, du coup, je développe une notion qui peut sembler paradoxale, qui est celle de l'injonction à l'émancipation qui devient aliénante. Parce qu'effectivement, on va vous expliquer comment vous devez vous émanciper, quels sont les outils de la libération, et puis il n'y en a pas d'autres. On comprend bien comment est-ce qu'ensuite les filles voilées, les mariages arrangés, les excisions, tout ça va être placé de ce côté-là, sans jamais comprendre qu'en fait, ce sont des choses qui ont été perpétuées dans le contexte colonial aussi, hein, que je sache. On est allé voir Harlem Désir, on va voir ce qu'ils ont dit. Moi, je crois que les jeunes filles issues de l'immigration maghrébine sont un peu les moteurs de l'intégration. Elles sont obligées de se battre sur 3 fronts en même temps. En tant que jeunes, elles sont confrontées au problème du chômage, à la nécessité de réussir ses études pour se faire une place dans la société. En tant qu'immigrées, il faut qu'elles se fassent accepter et elles se battent contre le racisme. Et en tant que femmes, elles sont aussi obligées de se battre, non seulement dans la société, mais pour échapper au carcan familial. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles elles sont souvent plus battantes, qu'elles ont plus l'obligation de réussir à l'école, par exemple. Elles sont un peu celles qui nous font croire à l'impossible. Je voudrais aussi qu'on revienne sur la notion de liberté tempérée. Cette idée de la liberté tempérée, c'était d'abord de penser au pluriel et de refuser l'idée de l'émancipation qui aboutit à la liberté, mais de bien prendre conscience du fait que chacune d'entre elles, en fait, avait sa propre mesure de ce qu'elle attendait de sa vie et du type de liberté auquel elle aspirait. Et que d'autre part, la tempérance était quelque chose qui leur permettait de ne pas voir leur monde se disloquer. J'ai fini par appeler ça effectivement des libertés tempérées, parce que j'ai compris que chacune, et il a fallu effectivement suivre ça méticuleusement, chacune avait sa manière de à la fois sortir, se dégager du stéréotype de la beurette, c'est-à-dire de refuser en fait, y compris l'aspect rassurant, et le crédit que ça comportait, parce qu'il y avait bien un crédit en fait, au sens littéralement économique et matériel, qui leur était attribué, dont le pendant était le passif qui était attaché à leur frère de façon indélébile. Je pense que la postérité de ce terme, beurette, le fait qu'il ait autant prospéré dans toute une série de cercles, qu'il soit, ce soit les dîners en ville ou que ce soit les politiques publiques, même si le terme n'a pas été repris, mais enfin c'était bien ça le public cible. C'est parce que c'est la dernière survivance, en fait, de la mission civilisatrice. C'est ce qui reste de la superbe impériale et coloniale de la France. Bonjour, bienvenue chez Beurette Rebelle. Salam alaikum. Je vois que tu parles arabe, c'est bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Smiti Sarah, Andi Tainou Ashkenam. Et je fais des études de psychologie. D'accord, donc là tu nous as dit que tu avais 22 ans, c'est ça? En arabe? Oui. Et tu habites, alors tu habites où toi? J'habite à Bobigny. D'accord. Donc pourquoi tu as gardé ce voile? Parce que je veux pas qu'on me reconnaisse à l'extérieur. C'est dangereux quand même. Hein. Tu peux nous faire un petit strip et puis après on verra ce que tu fais, si ça t'amuse de faire des essais. Oui. Ok, alors on y va. À trop traîner dans les dîners en ville, la petite beurette a fini dans le porno. Aujourd'hui, si on tape beurette dans Google, je le confirme, je l'ai fait, parmi les 70 premiers résultats obtenus, 65 sont des sites porno. La beurette est devenue une catégorie de films comme Gangbang ou Gros Sein. Beurette Rebelle est le titre d'un blockbuster du genre. Il y a même eu un Beurette Rebelle 2. Et dans les deux opus, les actrices sont à la fois dénudées et voilées. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Sherifa, cette jeune femme photographiée nue devant un bordel marocain et qui aurait pu être ma grand-mère. Toujours à sa recherche, je vais voir Olivier Auger, un collectionneur qui a fourni plus de 120 photos pour Sexe, Race et Colonie. C'est un domaine où l'offre fait le marché. Je fais savoir que je paye bien les bonnes choses. Je ne paye pas la mauvaise qualité, je ne paye pas cher ce qui est moyen, ce qui est courant, mais quelqu'un qui m'apporte des photos rares, et je les paye bien. Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans ces images? Ce qui me plaît, c'est le fait qu'elles témoignent de choses rares et inconnues. C'est peut-être un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est ce qui m'attire en premier. Ce n'est pas un plaisir érotique. Et d'ailleurs, si c'était le cas, ça serait pas gênant non plus, c'est les photos qui sont... Mais vous m'aviez posé la question dans nos échanges... Qu'est-ce qu'on sait sur ces photos? Est-ce qu'on peut retrouver les personnes? Malheureusement, la plupart du temps, c'est strictement impossible. Il arrive qu'on trouve un lieu, une date, jamais un nom. C'est vrai qu'elles étaient chosifiées quand même. C'est extrêmement rare d'avoir un nom. J'aimerais bien trouver de l'info sur les femmes qui sont photographiées. Mais il n'y en a pratiquement pas. J'adorerais trouver des photos des clients prises par les mauresques. Et je crois qu'il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ces filles qui étaient pauvres, qui étaient exploitées, qui n'avaient pas d'argent, pouvaient avoir un appareil photo et avoir l'idée de photographier leurs clients et de se les garder en souvenir? On va la regarder, cette collection automatique, si vous voulez bien. Alors, vous m'aviez parlé du livre « Sexe, race et colonie », de quelles sont les photos que j'ai proposées, quelles sont celles qui ont été retenues. Je vous ai amené un album que j'ai montré à l'équipe qui a fait le livre, dans lequel ils ont sélectionné certaines photos, dont notamment celles qui ont fait, je crois, scandale au moment de la sortie. Ces photos où on voit des colons tenant les seins des femmes en Afrique. Donc je vous ai amené l'album. Ça, c'est un album de photo amateur. Ça, c'est l'album Afrique Noire. Okay. J'ai à la maison, j'ai aussi un album Maroc, un album Algérie. Ça, c'est l'Afrique Noire. Et puis on regardera après deux autres albums petit peu différents. Alors voilà, ici on voit encore un colon qui soupèse le sein d'une femme. Ici, ce sont plusieurs colons qui se sont, des marins en l'occurrence, qui se sont photographiés avec des Africaines. Ça revient souvent le motif de tenir le sein en fait. Là, c'est aussi parce que quand j'ai pas de provenance, je les ai regroupés Par typologie, mais oui, absolument. Ici, il y en a beaucoup. Là, par exemple, c'est une photo, je crois que c'était fait pour le commerce, mais c'est une série pornographique, hein, avec un couple antillais des années 60. On reconnaît à la petite maquette d'avion et le poste de radio. J'aime beaucoup ces éléments qui permettent aussi de situer, vous savez, un réveil, un poste de radio, une affiche sur une petite photo qui permet de dater et de... Mais là, encore une fois, on a quand même une pénétration en assez gros plan, mais vous, ce que vous voyez, c'est la maquette d'avion. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Oui, j'en ai vu tellement, puis je suis tellement habitué, c'est même pas ce que je regarde en... C'est vrai, c'est l'atmosphère. Est-ce que ça témoigne d'une atmosphère, d'un lieu? Est-ce que ça dit quelque chose ou pas? C'est... voilà. On va regarder un petit peu de choses. Donc là, c'est un peu divers. J'avais classé un petit peu. Ce sont les derniers achats, mais je vais vous commenter un petit peu plutôt... on va regarder plutôt de la femme arabe. D'accord. Et, par exemple, une carte postale publiée en Tunisie par un éditeur. Alors, c'est ND Fot, c'était Norden, un des plus grands éditeurs de cartes postales en France à l'époque. C'est une carte postale intitulée « Belle mauresque » et qui nous montre une mauresque au sein nu, et je dirais même une mauresque au gros sein nu. Hein. Elle a une grosse poitrine qui déborde, très grosse poitrine. Et ce qui est intéressant dans cette carte-là, c'est l'intention de l'expéditeur. Donc, c'est une carte postale en noir et blanc. L'expéditeur a rehaussé les tétons en rose. Et vous voyez, il a ajouté un tampon sur la poitrine de cette femme, soit l'expéditeur, soit le postier, a tamponné le tampon œuf frais. Ce qui est quand même assez... cruel. Assez cruel, voilà. Assez, alors, on peut dire, voilà, c'est vulgaire, c'est cruel, mais... Alors, un petit peu dans l'ordre où je les ai trouvés, une photo d'une prostituée juive. Alors, celle-ci s'est vendue assez cher, vous voyez, plus de 60 euros, parce que beaucoup de personnes de confession juive collectionnent le thème. Et donc, s'agissant d'une prostituée juive, bah, ça se vend toujours un petit peu plus cher. Hein, c'est très, très recherché, le judaïsme. C'est étrange, quand même, ce marché de... Ah, oui, oui. Est-ce qu'il y a des différences de prix entre les Africaines noires, les Maghrébines? Oui, les Africaines noires. Je ne veux pas être péjoratif, je suis désolé. Je témoigne de la réalité du marché. Les Africaines noires dénudées valent beaucoup moins cher que les Maghrébines dénudées. Parce que des Africaines noires dénudées, bah, y en a des centaines, il y en a des milliers. Moi, il y avait une photo, mais j'arrive pas... Là, je l'ai cherchée un peu dans le livre, mais je ne l'ai pas retrouvée, qui était aussi dans le Libé, d'une femme, visiblement de plusieurs femmes devant un bordel, et une qui est tenue avec les jambes écartées. Alors, cette photo-là, de mémoire, si je ne me trompe pas, justement, elle ne m'appartient pas. C'est une photographie sur laquelle je me suis battu très cher avec un ami. Au final, elle a fait plus de 500 euros. C'est une photographie devant une maison close en Afrique du Nord. Et je crois que dans Libération, elle est localisée en Algérie. Et d'après moi, on n'est pas en Algérie. Jolie minouine, prends-moi du bas. Tour de l'échine, souffle comme ça, petite coquine, un peu plus fort, rapide que toi, aspire l'air par les reins, pousse le petit trou, remue les doigts, Allah, Allah, Jia, Jia. Je me demande si c'est pas un genre de promotion pour Sherifa que sa photo vaille 500 euros. Vu qu'avec le prix d'une passe à Bousbir, elle ne pouvait pas s'acheter de quoi manger, elle devrait être contente. En tous les cas, toujours pour retrouver sa trace, je décide d'aller voir l'heureux propriétaire de sa photo, Alexandre Dupouille. Et j'ai de la chance de vivre en 2019, parce qu'en googlant Monsieur Dupouille, j'ai appris qu'il n'était pas seulement collectionneur de photos pornographiques. Il en fait aussi. Cette photo dans mes archives fait partie d'un corpus qui s'appelle Les Paradis Perdus. Ça, c'est un clin d'œil parce qu'il faut bien ranger les choses. Et c'est vrai que quand on voit ces jeunes gens goguenards qui sont toutes dans dehors avec un sourire jusqu'aux oreilles au milieu de femmes nues qu'on suppose ils rencontrent pas tous les jours, ils sont plutôt mal à l'aise. Enfin, il y a un sens du paradis et puis il y a un sens du perdu parce qu'heureusement ces situations ont tendance à exister de moins en moins et moins elles existeront, mieux les relations humaines se porteront. Cette photo-là, vous l'avez gardée? Garder, pas garder, ça c'est un de mes problèmes, oui. Bon alors, le prix? Le premier prix, ça va être 2 euros, et le prix le plus excessif, je sais pas, 100 ou 200 euros peut-être. Et vous-même, je crois, vous faites des ouvrages de photographie. J'ai vu, c'est vous qui avez fait un bouquin qui s'appelle Scènes Orientales? Ah, si je photographie, ouais, ouais. Ah oui, oui, tout à fait. C'était il y a un petit moment déjà. Ça fait une quinzaine d'années que ça m'est pas arrivé. Et c'est vrai que ça peut interroger au niveau de scènes orientales. Je me suis retrouvé à aimer les photos, à croiser des photographes qui ont fini par m'engueuler en me disant « Mais tu nous casses les pieds, fais tes propres photos. » Donc j'ai fait mes propres photos, j'ai demandé à mon épouse. Et puis j'ai demandé à mes copines de mettre des tissus, des trucs, des machins. Et puis on a fait des fausses photos orientales. Le concept, l'idée de base, c'était de reprendre l'esprit de ces peintres du 19e, les orientalistes. Mais c'est quoi l'érotisme particulier de la femme orientale ? C'est complètement du fantasme de l'occidental. Mais ça va être un raffinement, ça va être une totale soumission, ça va être un bien-être extraordinaire par rapport à aller dans le sable, les pays chauds, comment tout va bien, toujours au soleil. Ça va être un peu comme la femme asiatique, quoi, ce côté soumission. Elle parle pas, parce qu'elle parle pas la langue, elle parle pas notre langue, donc il peut pas y avoir d'échange. La totale soumission, puis ce fantasme de dire, voilà, le sultan avec son harem, avec toutes ses filles qui sont voilées, cachées, qui se dénudent pour lui, enfin c'est magique dans la tête d'un jeune homme occidental. Alors est-ce que vous voulez bien montrer votre ouvrage Scènes orientales? Oui. Vous disiez que c'était en fait essentiellement des amis à vous qui avaient accepté de... Ah oui, oui, oui, c'est essentiellement des amis à moi qui ont accepté de faire ces images. Ce qui est amusant, c'est que la plus maghrébine de toutes est polonaise. Il y a peut-être... Elles sont une douzaine de filles. Il y en a peut-être qu'une ou deux qui sont originaires du Maghreb. Et comment les images reflètent les délires qui ont pu être illustrés à l'époque. Là, on a une femme, on regarde les dents comme si c'était un cheval. Mais ça fait de la partie de la peinture pompier du 19e siècle, qui était tout à fait acceptée en France. Elle a l'air des personnes sur même cette forme. Cette dame qu'on fouette là. Ah, bah sur une douzaine. Ah oui, ça aussi, le fouet, elle est punie. Elle est punie par une autre maghrébine. Alors celle-là, elle dans est très marrante, c'est que des fesses. Dans ces peintures... Ah oui, c'est bien les fesses des filles. Vous aimez pas les fesses des filles? C'est un tableau que vous avez copié aussi, ça, les filles empilées qui montent leurs fesses. C'est mon côté archéologue raté, c'est la pyramide de fesses. Vous l'entendez? La petite conversation qui chemine sous nos échanges? Je lui demande « Pourquoi est-ce que je suis l'objet de tes fantasmes ?» Et il me répond « Tu n'es pas ». L'objet de mes fantasmes. 99, 78, je crois que le point commun entre Shrifa et les beurettes, c'est qu'elles ne parlent pas, comme dit Dupuy. Ou bien juste pour dire ce qu'on a envie qu'elles disent. Nous sommes, et donc je suis, un objet. Objet de fantasme, objet d'effroi, objet d'une politique d'intégration. Heureusement, j'ai rencontré une femme de ma génération qui a à la fois subi et détourné le destin de beurette auquel elle a été soumise. Elle s'appelle Amal Bentounsi. Je suis née au Maroc, dans un petit village qui s'appelle Sidi Qassem. Voilà, c'est entre Fès et Meknès. Donc, je suis une blédard, comme on peut dire. Je ne chantais pas forcément... la discrimination, quoi que ce soit, ou le racisme. Mais ce que je ressentais, c'était surtout le fait de manquer de beaucoup de choses, en fait. Je ressentais un peu la misère, quoi, en fait. Je ressentais le fait de ne pas avoir à manger, de ne pas pouvoir manger à sa faim, de ne pas pouvoir... Il y a certains jours où on mangeait de la semoule, quoi, avec du sucre. Donc ça, c'était compliqué. Moi, je me souviens, c'est à l'époque, c'est quand il y a eu la guerre du Golfe. Il y a eu quelque chose, ouais. Je me souviens, au collège, les jeunes parlaient des Arabes. Là, à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose. Je sentais que je n'étais pas comme eux. Et en plus, en fait, moi, à l'époque, j'ai grandi avec des garçons. Donc, j'avais trois grands frères. Donc, j'étais un petit peu aussi la petite qui se prenait des coups, en fait. Et qui en donnait aussi. Donc moi j'étais en 6e et eux étaient aussi dans ce collège là et je me rappelle de cette conseillère là, Madame Ollier, je m'en rappellerai toujours son nom, c'est pour vous dire, ça m'a marqué. Et elle m'avait dit de toute façon toi t'es comme tes frères, ouais t'es qu'une sale arabe quoi. Et je l'ai tapé, je l'ai frappé, ouais. Ah je me laissais pas faire. Et donc du coup j'ai été virée pour le coup. J'ai été renvoyée dans un collège un peu bobo, avec des fils à papa, des fils à maman. Et donc, du coup, bah, moi, j'étais la fille qui venait de la cité La Pierre-Collinet, quoi. Vous avez un peu cette possibilité de sortir du quartier. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose pour vos frères ? Non. Non, non, je pense pas que ce soit la même chose pour mes frères, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de sortir, en fait, du quartier. Et la preuve, bah, c'est qu'ils y sont encore, quoi. Moi, j'ai un de mes frères qui est arrivé du Maroc et qui n'a jamais voyagé de sa vie et qui n'est jamais sorti du quartier. Pour mes frères, ouais, ça a été la prison, ça a été des drames, la drogue. Mais leur première discrimination, les garçons, ça a été avec la police, par exemple. Le fait d'être frappé par des flics, quoi. Je n'avais pas vraiment conscience, en fait. J'avais l'impression que mes frères, c'était eux les responsables, en fait. Et du coup, même mon frère, Amine, là, quand il me disait, mais toi, tu sais pas comment ils sont. Tu sais pas ce qu'ils nous font. Et il me disait, ouais, on nous attache dans les commissariats, ils nous mettent tout nus, ils nous mettent des coups de bottin pour pas qu'on ait des traces et tout. Et je lui disais, mais arrête de dire n'importe quoi. Les policiers peuvent pas faire ça. C'est fou, hein. Ouais. En même temps de ce parcours, j'avais un autre parcours parallèle. C'est que j'avais une relation avec un garçon qui était beaucoup plus vieux que moi, quoi. C'était l'ami de mon frère, qui est d'origine portugaise, et donc du coup c'est un choix d'émancipation en fait pour moi, parce que je supportais plus les injonctions, les ordres. Il fallait que je sois libre en fait. J'avais vécu tellement sous mon père, en fait j'étais sa seule fille et j'avais pas le droit de sortir. Et s'il avait le malheur de me trouver devant la porte, c'était des coups, quoi. Je me prenais des coups. Je suis tombée amoureuse d'un copain de mon frère qui me voyait quand j'étais jeune, j'allais chercher le lait, et puis il était toujours au même endroit, et puis il me disait, quand t'auras 18 ans, je me marierai avec toi. Il était tellement beau. Donc du coup, voilà, j'ai 4 enfants avec ce garçon. Et voilà, quoi. Et vos frères, ils disent quoi à ce moment-là ? Mes frères, j'étais partie de la maison, donc du coup, ils me voyaient plus. D'accord, vous aviez plus de contact, en fait. Non, pendant au moins 2-3 ans, je suis partie de la maison et puis après je suis revenue et bon, ils se sont fait à l'idée. Après, mes parents l'ont accepté et puis donc du coup après je me suis occupée de ma famille, quoi. J'avais des frères en prison, donc fallait les accompagner, fallait faire les permis, fallait aller les voir, fallait aller les soutenir. Donc de 18 ans jusqu'à maintenant, il a fait beaucoup de prison, hein, pour différentes affaires, hein. Ouais, je crois que j'ai passé une bonne partie de ma vie prison et tribunaux, en fait. En fait, je le comprenais, en même temps je lui en voulais, et en même temps je pouvais pas lui en vouloir. C'est des sentiments, parce que il a quand même été incarcéré à 13 ans, donc c'est des choses qui marquent. Il y a des choses qu'il a certainement pas dû nous dire par fierté ou pour beaucoup de choses. Et je pense que ils l'ont fabriqué, en fait, Amine. En fait, en même temps d'avoir une vie stable avec mon copain à l'époque, c'était d'avoir cette vie d'être tout le temps à sa recherche, en fait. Je tournais tout le temps dans le quartier. Dès que j'entendais des sirènes, j'avais peur que ce soit lui, en fait. Et donc, du coup, je m'en rendais partout. Et je l'emmenais... je l'emmenais en vacances avec moi. Et je me souviens, un jour, il m'avait dit... parce qu'il était fan de Renaud à l'époque. Il connaissait les chansons de Renaud par cœur. Et notamment, l'histoire, c'est la France... L'Hexagone. L'Hexagone, ouais. Et des fois, je lui disais, mais c'est quoi cette chanson de beauf que tu nous chantes ? Et après, il avait 15 ans, je m'en rappelle. Et il me disait, écoute les paroles. C'est comme il ça. Il s'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis les éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Je me souviens, la dernière fois que je l'ai déposé, c'était, je crois, le 7 juillet 2010. Il avait une autorisation pour sortir, pour une promesse d'embauche. Donc, il devait rencontrer son patron. Donc, il avait eu une semaine ou un week-end. Donc, du coup, je l'ai déposé. Je l'ai déposé à la gare du Nord. Je l'ai déposé, j'ai ouvert le coffre. Je l'ai accompagné jusqu'au du guichet. Je lui ai retiré 150 euros. Ouais, je lui ai dit, bon, ben, rentre bien, fais attention à toi et tout. Et il devait retourner à la maison de Châteaudun. Et là, plus de nouvelles pendant 2 ans. Je l'ai serré très fort dans mes bras, je lui ai dit je t'aime. Et puis je ne l'ai plus jamais revu. Bah, jusque ce fameux jour où j'ai été appelée, un dimanche, le 22 avril 2012. J'ai reçu un coup de fil et il était à peu près 16h30. Donc là, direct, il me dit « Commissariat de Bobigny ». Je lui dis « C'est pour mon frère ». Il m'a dit « Oui, toutes mes condoléances, machin et tout ». Déjà, j'ai poussé un cri, cri horrible, en fait. Bon, en fait, après, je vois sa vie défiler, en fait. Je me souviens de tout ce qui a pu lui arriver, de toute cette souffrance, de sa jeune vie volée, quoi, en fait, parce que il a fait en tout et pour tout 17 années de placard, que ces 2 ans de cavale, il les avait volés à la société, mais qu'en fait, heureusement qu'il avait pu en profiter pendant 2 ans, parce que sinon il n'avait jamais profité, quoi, parce que tous ses anniversaires. Par exemple, moi, mon mariage, il n'avait pas assisté au mariage, mais moi, je m'étais rendue avec le cortège, je m'étais rendue à la maison d'arrêt. Et comme j'étais venue dans la semaine, je lui ai dit « Ouais, tu mettras un miroir pour que tu vois. » Ah, c'était un moment émouvant, ça. Donc, j'étais avec ma robe de mariée, je faisais coucou. Et j'avais tous mes invités qui étaient là, qui m'ont suivi à la maison d'arrêt. Moi, c'est comme dans un film, en fait. Et ça m'avait fait plaisir. Et lui, il était content. J'ai klaxonné. Après, t'as tous les détenus qui se sont mis à la fenêtre et tout, qui criaient aussi. Est-ce que parfois, vous culpabilisez de vous en être sortis ? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Pendant des années, oui. Me dire pourquoi moi et eux, non. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé aussi. Et je me disais, je regardais le ciel, je me disais, mais mes frères ne sont jamais sortis, en fait, de chez eux. Ils sont jamais vus. Je sais pas, par exemple, j'étais à l'île Maurice, je disais, ils n'ont jamais vu l'île Maurice. Moi, je suis là, et pourquoi moi et pourquoi pas eux, quoi. Ils n'ont jamais vu ce ciel, la lune à l'envers. En fait, ils n'ont jamais rien vu, quoi. Ouais, c'était... Quand est-ce que vous avez commencé à douter de la version de la police ? Tout de suite, en fait, parce que je savais que mon frère était capable de beaucoup de choses, en fait. Mais ce que je savais, c'est qu'il serait incapable de tuer qui que ce soit. Et au départ, en fait, la version policière, vraiment, nous faisait croire que, en fait, si je m'en étais tenue à ça, c'est ça qui est fou, quoi. Si je m'en étais tenue à ça, c'est que, en fait, il n'y aurait rien eu, quoi. On n'aurait jamais su la vérité, comment ça s'était passé. Et la version policière, c'était, c'est un braqueur, le multirécidiviste, a été tué. Donc c'était ça. En fait, il faisait référence à son passé, plutôt qu'à ce qui s'est passé sur le moment, en fait. Et ce qui s'est passé sur le moment, c'est qu'à ce moment-là, il ne braquait pas, en fait. Et il a pris la fuite parce qu'il était en cavale. Et qu'il ne voulait pas qu'on tombe sur lui, quoi. C'est ça, la raison. Et après, ils ont dit, qu'à un moment donné, il a braqué le policier, que... Mais ce n'était pas ça. Et la preuve en est, c'est que les témoins qu'on a réussi à avoir et tout, qui ont dit tous la même chose. À aucun moment, il a porté atteinte à la vie de ce policier. À aucun moment, Les témoins ont vu une arme sur mon frère. À Meaux, cet après-midi, 150 personnes environ ont participé à une marche blanche en mémoire d'Amin Bentoussi. Il s'agit de cet homme multirécidiviste tué samedi dernier à Noisy-le-Sec par le tir d'un policier. Policier mis depuis en examen pour homicide volontaire. Il s'agissait apparemment d'un tir dans le dos. Depuis, certains de ses collègues ne décolèrent pas contre cette mise en examen qui leur semble complètement injuste. Ils ont reçu depuis le soutien du président de la République et du ministre de l'Intérieur et des manifestations spontanées ont lieu quotidiennement encore. A l'inverse, les gens qui marchaient cet après-midi à Meaux sont convaincus que le policier n'a pas agi en état de légitime défense. Le policier a été condamné en deuxième instance pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Je vous dirais, heureusement qu'il y a eu justice. Quand on scande sans justice, il n'y aura jamais de paix. C'est exactement ça. Moi, c'est pour vous dire, le lendemain du procès, donc c'est terminé le 10, le procès ça a duré une semaine, du 6 au 10 mars. Je me suis levée très tôt et j'ai été chercher le pain. Et bien là, je me suis surpris à entendre les oiseaux chanter. Vous imaginez quoi, j'ai entendu les oiseaux chanter. Amen a grandi dans la Hesse. À 2 ans, elle immigre du Maroc à la Thèse. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la pierre collinée. Le ghetto français, c'est pas la jet set. Papa étage en nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient adulte avant l'âge. C'est une femme dans un corps d'enfant. Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps. Seul, entouré de 4 frères, dans la misère, ça forge le caractère. C'est les années 80, l'époque est paro. Un de ses grands frères. Il est très rare qu'un policier soit jugé coupable d'homicide dans le cadre de ses fonctions. Cette condamnation exceptionnelle a été obtenue en grande partie grâce à la mobilisation qu'Amal Bentoussi a réussi à fédérer autour du collectif Urgence, notre police assassine. Aujourd'hui, elle suit des études de droit pour devenir avocate. La beurette rebelle n'est pas toujours celle qu'on croit. Amal, comme Assa Traoré, incarne ces filles des quartiers qui ont refusé de gagner le concours de l'intégration au détriment de leurs frères et qui ont mis toute leur connaissance du système qui les avait cooptés au service de leur combat politique. Je voyais bien, quand j'étais adolescente, que je ne subissais pas autant de contrôles policiers que mon petit frère. Mais je ne me doutais pas que j'étais aussi avantagée dans la course aux études, au logement, à l'emploi, par une société qui considère que la vie d'un garçon arabe vaut moins qu'une autre. Je n'avais pas compris que j'étais la gardienne de mon frère. Ça fait maintenant 15 ans que le PIR, le Parti des indigènes de la République, dénonce les discriminations dont sont victimes les descendants des immigrés des anciennes colonies. Mais y a-t-il une concurrence entre les descendantes et les descendants? C'est ce que j'ai demandé à Ouria Boutelja, indigène, femme arabe et porte-parole du PIR. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a, dans le cadre de l'oppression de genre, une oppression spécifique des femmes, à l'évidence, mais en France, il y a une oppression spécifique des hommes non blancs, et c'est ce qu'on appelle les masculinités non hégémoniques, donc les masculinités subalternes. Et les hommes non blancs n'ont pas le même statut que les hommes blancs. Et ils sont opprimés racialement, et le genre masculin lui-même est opprimé. C'est ce qui nous pousse à complexifier nos analyses et à expliquer qu'il y a un rapport dialectique entre l'oppression des hommes indigènes et l'oppression des femmes indigènes. Et qu'en l'occurrence, si les femmes indigènes subissent un tort particulier de la part des hommes de leur communauté, c'est que eux-mêmes subissent un tort raciste. Mais est-ce que, pour autant, ça signifie que la femme indigène est un enjeu? C'est-à-dire, dans votre bouquin, vous dites « Mon corps ne m'appartient pas, j'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon histoire, en gros. » Donc ça signifie qu'au nom de la solidarité avec l'homme indigène, vous ne pouvez pas disposer de votre corps? C'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Moi, c'est une revendication. Lorsque je dis que j'appartiens à ma famille, à mon clan, à ma race, j'explique d'abord la première chose, c'est que je ne veux pas qu'on m'arrache à mon histoire et au mien. C'est-à-dire que je m'oppose justement à cette instrumentalisation que l'État fait du féminisme. Donc je réponds à cette manipulation en disant, moi je tiens à rester dans mon camp, c'est-à-dire que je ne cherche pas à le trahir. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il n'y a pas une voie médiane entre la trahison de race, on va dire, de race-classe, enfin, si j'utilise votre parallèle, ça pourrait être une trahison de race qui serait l'équivalent d'une trahison de classe, et une solidarité qui peut être coûteuse. Moi, j'essaye de dire à travers mes analyses, c'est que plus on tapera sur les hommes, plus ils seront violents, et plus leur masculinité deviendra toxique. Et qui subit cette masculinité toxique en bout de course, c'est les femmes de la famille. Donc, autant libérer les hommes de cette oppression. Vous dites, si j'enlève les rênes à ma tribu, ça veut dire que je les donne aux blancs. Mais il n'y a pas moyen d'enlever les rênes à sa tribu et de garder les rênes dans sa main ? Non, parce que je ne crois pas que la libération individuelle soit un objectif en soi. Moi, je ne crois pas qu'il faille déposséder la tribu de son pouvoir. Mais ce n'est pas forcément individuel, le fait que les rênes soient entre les mains des femmes et pas dans celles de la tribu. Ça peut être un collectif de femmes. Qui ferait quoi ? Bah, du féminisme à l'intérieur de la communauté. Il y a une difficulté à tout faire en même temps. Il y a cette difficulté, c'est compliqué. C'est très compliqué. La voie que nous, on propose, c'est celle qui prend en charge et qui comprend à la fois l'oppression des femmes non blanches et l'oppression des hommes non blancs. Et ça, il faut le prendre en compte dans notre démarche politique. Et c'est ça qui, à notre sens, nous libère collectivement. D'accord, mais il y a quand même une hiérarchie. Non, c'est une dialectique, c'est pas une hiérarchie. On va jamais, par exemple, créer un collectif de femmes. Parce que, en toute logique, si on crée un collectif de femmes, c'est qu'on a identifié deux ennemis, celui, par exemple, le racisme et le sexisme, et donc on se mobilise à la fois contre les blancs et à la fois contre les hommes. Ce que nous ne ferons pas, on ne se mobilisera jamais contre les hommes indigènes, jamais. Nous, on se mobilise contre le système qui fait d'eux ce qu'ils sont. C'est très différent. Je me trouve devant une impasse. Je ne veux pas gagner le concours de l'intégration au détriment de mon frère, mais je ne veux pas non plus que la lutte antiraciste se fasse à mon détriment. Je suis fatiguée de devoir sempiternellement choisir entre ma famille et la République. C'était « Heureuse comme une arabe en France, les ambitieuses ». Un documentaire d'Adila Benedjaizou, réalisé par Anne Pérez-Franchini. Avec Nassira Guenif Souilamas, Marie Da Silva, Olivier Auger, Alexandre Dupouy, Amal Bentounsi et Ouria Boutelja. Prise de son, Valérie Lavalard, Cyprien de Limerville. Mixage, Claude Niort. Documentation, Anne Delaveau et Antoine Vuillose. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Merci à Stella Maliani Belkacem et la librairie L'Armatan. Elle a provoqué la pire catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité, la peste. L'exemple même d'une maladie qui est liée au développement humain et à la manière dont l'humanité s'est développée à une certaine époque. Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la variole ou le sida, le médecin Renaud Piaroux, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va mener l'enquête pour vous. Mécanique des épidémies, 7e saison La Peste, un podcast de Renaud Piaroux et Anne de Pelchin sur franceculture.fr et l'appli Radio France.